Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On y va comme ça. Go! Ah ben oui, là ça marche, enfin. Magnifique. Hey, salut Gilles Ladouceur. Gilles, t'es-tu là? Chez vos clés à la télévision, dans tous les shows de promotion, mais tout le monde vit sa vie en la douceur. Gilles Ladouceur, oh, la tout douceur. Salut les mecs, ça va bien? Ça va bien, toi? T'as du power, mon Gilles. Ah, ça fait tellement longtemps que je vous ai parlé. Un gros félicita. À vous autres pour le temps des fêtes. Je me suis dit, je peux pas passer outre des appels. Si je les appelle pas, j'étais un gros PD. Ça pogne-tu? 2011. Mais on t'aurait oublié, en tout cas, t'aurais pas eu de cadeau sur l'arbre de Noël si tu nous aurais pas appelé. C'est pour ça que j'appelais, je voulais avoir mon cadeau des employés. Puis en passant, je voulais juste m'assurer que tout marche là, pour la radio. Vous n'êtes pas encore fermé parce que je sais que les codes d'écoute sont pourris. Ça roule pas parce que depuis que je suis parti, j'ai entendu dire, il y avait les sondages VVC, là. Oui. VVC, je ne sais pas pourquoi ils disent VVC. BBM. Ah, BBM, je me trompe tout le temps avec VVC. C'est ça parce que je vais aller aux toilettes. C'est ça parce que je vais aller au VC, hein. J'arrive de Paris. C'est des fois, je trompe mes lettres. Ça va bien, boy? Ça va bien? Ça va très bien. Toi, tu arrives de Paris, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ben là, j'aurais encore des filles arriver au Kral, comme la dernière fois quand j'étais à la Tour Eiffel. Là, ils sont tous arrivés parce qu'il y avait une retardataire. OK. La grosse Marie. Elle a été pognée écoutez bien ça, l'histoire avant, je suis tombé en affaire. Imaginez-vous donc qu'elle est rentrée dans un banc de plancton, la petite madame. Oh elle non. A commencé à bouffer le plancton. Elle est à moitié chemin entre Paris et Québec, puis elle mange le plancton. Elle faisait son crawl, puis là, elle a un bon ouïe, hein. On l'appelle, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la petite baleine. du haut de ses 400 livres. Ben, 400 livres, 2 pieds 5. Aïe, aïe, aïe. C'est une galette. On l'appelle la petite naine. C'est une galette, ça, 400 livres, 2 pieds. Une grosse galette, ah oui. C'est une mangeuse de galette au yo-yo. Les boys, c'est le temps des fêtes. J'ai composé 2 poèmes. Okay. Je vais commencer avec le premier parce qu'après, je vais vous faire un peu l'historique de l'histoire de Santa Claus. OK. Okay. Alias Saint-Gilles, parce qu'au départ, ça s'appelait, c'était mon père qui était Santa Claus. Saint-Gilles, OK. Je vais comme tu es, c'est pour toi, Dany. Merci. Salut, Dany. Salut, merci. Juste et bon, j'étais. Juste et bon, je serai. Gilles la douceur n'a rien que promis. Mais chose est sûre, je vous l'aurais dit. Je serai pour toujours votre meilleur ami. Gilles la douceur, designer. Merci, J'ai proposé ça quand j'étais à Quaticook. J'étais dans une usine de crème à glace. Et j'ai vu de la crème à glace, puis j'ai pensé à toi, Dany, quand tu manges ta grosse molle, là, comme on dit, là. Je voyais les machines aller, j'ai dit, il faut que je compose ça. Les boys, je fais ça rapidement pour les auditeurs. J'ai eu beaucoup de demandes dans mes internets sur mes YouTube, sur mes films que je fais sur YouTube. Oui. Pour savoir c'est quoi l'histoire de Saint-Gilles-la-Douceur. Saint-Gilles-la-Douceur, alors je commence comme ça. Saint-Gilles-la-Douceur, il est né. Il est né, lui, imaginez-vous donc, il a été né. Et une fois qu'il est né, lui, il a fait beaucoup de choses. Et une fois, il était dans un orphelinat pour chiots abandonnés. Ça, c'était, je vais vous dire, c'était où? C'était proche de Quaticook. C'était proche de l'usine à Crème-à-Glace que j'étais. C'est pour ça que je suis allé faire des... à l'église anglicane de Québec. C'est ça. OK. Le sous-sol était une usine à chiots. Oh! Et Saint-Gilles est là toutes les années, donner des petits nanas aux petits chiots. Il y avait un petit chiot qui s'appelait Marcille. Oh! Ce chiot-là, il avait une faculté très spéciale. Il parlait. Il avait la faculté de parler. Et il racontait un peu les problèmes de tous les autres chiots. Parce que Saint-Gilles, mon arrière-grand-père, amenait seulement un nanos à Marcille. Et là, Marcille, à chaque année, il parlait. Il ne la voyait pas, il parlait. Alors, il dit à mon arrière-grand-père, « Pourquoi, Saint-Gilles, tu amènes seulement un nonos à moi et tu n'amènes pas aux autres amis? » Et là, Saint-Gilles a dit, « C'est parce qu'ils n'ont pas été gentils, les autres amis. Ils n'ont pas été fins. » Alors, Marcille dit, « Alors, s'ils étaient fins, est-ce qu'ils auraient des nonos comme moi? » Puis, ben, mettez-vous dans la peau de mon arrière-grand-père. Marcille, c'est un chien qui parle. C'est un gros retrailleur. Il parlait, hein, donc... C'est assez impressionnant de voir un chien parler, là. C'est pas une légende, là. Je m'imagine surtout dans la peau de ton arrière-grand-père, ça fait du bien. Ah, Saint-Gilles qui était, ma foi, il était damné parce qu'il a fait des mauvaises choses avec les chiens, mais il a été... Saint-Gilles a été damné. Moi, il est en enfer, il brûle en enfer, mais il a profité. Il a très, très profité. Et c'est à partir de là que la légende est née. C'est que dans le fond, Saint-Nicolas, ça a l'air Saint-Gilles-la-Douceur, c'est que Saint-Gilles amenait juste un os au chien qui était gentil. Et là, les autres chiots ont dit, si vous êtes gentil, je vais vous en amener. Et là, les chiots étaient gentils dans le sous-sol de l'église anglicane. Et à partir de ce moment-là, alors là, ça s'est transmis de génération en génération. Et là, c'est finalement, on a commencé par la base des chiots pour amener ça aux chats et ensuite aux enfants. Mais et pour les enfants, c'est Saint-Séverin, c'est exactement le mot. Saint-Séverin. Hey, mais Gilles, oui. Si tu dis que tu fais ça, que c'est de génération en génération, oui, donc oui. C'est toi qui devrais avoir le porte-flambeau, qui devrait être le nouveau Père Noël. Le porte-flambeau, c'est une très bonne... J'ai le porte-flambeau, le problème, c'est que je ne porte pas de gants et le porte-flambeau est très, très chaud. Donc, j'ai laissé tomber le porte-flambeau et j'ai mis une capine à la place. Je mets une grosse, grosse capine puis je mets les cadeaux des enfants dedans. Mais... Soit dit en passant, moi, je couvre jusqu'à Andiac. Je m'occupe juste de Candiac. Mais est-ce que tu as été canonisé, toi aussi, comme ton père? Canonisé. Mon père n'était pas dans l'armée. Je ne sais pas si on parle de la chose. Il n'était pas dans les canons, lui. Je ne sais pas si c'est ça que vous dites par canonisé. Il n'a pas été sculpté en canon là, après sa mort. Il a juste été sculpté en être humain. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? Tu sais, le frère André, là, il a été canonisé. Il était dans l'armée, frère André? Oui, ils l'ont projeté en canon. Oui, c'est comme être homme canon. Un homme canon. Ah, oh, c'est un homme canon, un peu comme l'homme avion. Oui. L'homme avion, ben oui. Non, j'ai pas été canonisé. Je fais un blitz d'informations parce que ça m'a pas vous ai parlé. J'ai plusieurs personnes à vous parler. Premièrement, je parle de Lady Patate. Hey, sais-tu quoi? Je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui arrive avec Lady Patate? Alors, Lady Patate est rendue au Liban. Elle a gagné un concours de chant parmi les patates douces du monde. Alors, c'était la meilleure chanteuse femme patate dans la catégorie patate douce. OK. C'est exceptionnel. Ça a été, je vous jure, elle a chanté les patates dans nos campagnes en canon avec deux betteraves et un radis. Il paraît que le Liban a explosé littéralement. Il paraît qu'il y a eu des attentats partout. Mais c'est pas la pièce que Lady Gaga veut reprendre, ça? Lady Gaga, Lady Gaga va faire un duo avec Lady Patate, effectivement. Ben c'est ça, je pensais que c'était la pièce qu'elle voulait faire avec. Ça va être ma patate d'amour. Et soit dit en passant, Lady Patate va se faire piler pour cette chanson-là. Alors, elle va chanter en tant que femme patate pilée. Mais c'est pas dangereux chanter en canon? Oui, c'est très dangereux chanter en canon, mais t'amènes un très bon point, Marcel. Excuse-moi, je me suis trompé de nom avec les chiots. Jean Coutu. Oui. En deux secondes, j'ai un internaute sur l'autre ligne. Ce qui arrive là-dedans, c'est qu'ils ont été chantés en canon, mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas de munitions dans les canons. Donc, les canons, c'était vraiment plus en vie. Ah. Une première position de visibilité. Et la deuxième affaire, je vous parlais, qui est la plus importante, c'est l'homme avion, le Boeing. Oui. Alors, l'homme avion, il a un troisième enfant. Sa femme a accouché d'un Cessna. Et savez-vous comment ils l'ont appelé? Non. Pilote. Oh! Oui, alors, le petit Cessna. Alors, j'ai entendu dire qu'ils ont été vus parce que là, ils sont éloignés un peu des phares de la rampe parce qu'ils étaient vraiment tenus de se faire prendre en photo à l'aéroport de Mulroney. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils ont été vus, ça a l'air au-dessus du Pacifique, les trois. Alors, il y avait le Boeing, l'homme avion, sa femme. Et ces trois petits Cessna qui le suivaient en arrière, et ça a l'air qu'ils s'en allaient faire atterrir là, quelque part dans le nord. Mais ils ne voulaient pas adopter un hélicoptère aussi? Ils ont voulu adopter un hélicoptère. C'est une très bonne question que tu me poses, mais la papeterie était fermée, donc il n'y avait pas de crayon. Puis tu sais que lorsque l'homme avion devient avion, il a beaucoup de misère à écrire avec son aile. Hein? Okay. Donc ça a l'air qu'il va te faire greffer une main ou quelque chose comme ça. Parce que ça a l'air que la première main qui s'était greffée, c'était une main en styromousse. Et elle a complètement... Là, ça va pas bien, ça. À 600 à l'heure des airs, on va dire, en affaire, ça repart au fin du styromousse. Le styromousse, il arrache. Oui, le styromousse arrache. T'as le mot juste. Ils ont pas essayé du styromousse? Non, du styromousse, ils l'ont essayé. Le problème, c'est qu'ils ont pas trouvé de rousse. Tu vois où je vais en venir? C'est que le styromousse, c'est vraiment une partie de la rousse, de la femme rousse. Les redheads, là, pour des personnes qui font des recherches un peu plus spécifiques. Oui, oui. Faut la trouver, la redhead. La belle redhead, faut la trouver, hein. Puis on l'a pas trouvé pour la styromousse. Stimorousse. À part ça, les boys, j'ai pas de nouvelles de mon patelin. Soit tu t'en penses que le concours du plus gros baklava du monde a été complété. 150 km de baklava. Okay. Je vais vous dire, ça fait Toulouse à Nice. C'est un très, très gros baklava. Et il a été mangé par seulement une femme. Et c'était la même. C'était la grosse Marie-Claude qui mangeait le plancton. Oh non. Alors, dès elle, écoutez bien sûr, ça, c'est le running gag. C'est ma zone finale. Lorsqu'elle est arrivée, la grosse mère Claude, sur le continent européen, est arrivée à Toulouse, elle a entendu dire qu'il y avait un baklava géant. Le lendemain, il n'y en avait plus. Et elle avait tout mangé, la grosse mère Claude. Oh. Et ça a l'air que là, elle s'est mis une voile, puis elle est partie sur le continent américain. On lui souhaite bonne chance, là, parce que ça a l'air que des grosses tempêtes de ce temps-là dans l'Atlantique. Hey, sinon, Gilles, tu fais quoi pendant les fêtes? Je popote. Je vais faire de la popote. Je m'en vais voir Pol Pot aussi. Le tombeau de Pol Pot. OK. En fait de la popote. Gilles l'a dit ça. Non, c'est la routine habituelle. J'écris des livres, je vais chanter, je vais aller faire des inscriptions pour les gens. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'inscrire à n'importe quoi, vous allez sur mon site web, gilladussard.net, puis vous allez pouvoir vous inscrire à n'importe quoi, s'inscrire, on s'inscrit sur mon site. J'ai rien à particulier, mais toutes les inscriptions, je suis ouvert. OK, puis tu disais pas que tu organisais un souper meurtre et mystère aussi? Oui, j'ai organisé un souper meurtre et mystère, et ça a été, comment je dirais, une réussite totale, là. On s'y croyait, hein? Ah oh, ouais, oui, on a vraiment l'impression que dans ce souper meurtre et mystère, c'est que le problème, c'est que ça a été un souper mystère et meurtre. Ah, OK, c'est ça qu'il fallait élucider. C'est ça, donc on n'a pas vraiment trouvé le souper, on n'a pas fait de meurtre, c'était vraiment spécial comme souper. Dans le fond, t'as soupé tout seul? J'ai soupé tout seul, tout seul. Je suis jamais tout seul, il y a toujours Brienne avec moi, il y a toujours Brienne qui est là. Brienne, tu ne jamais... C'est ton nouveau, ça? Ah, je n'ai pas parlé de Brienne. Non? Je n'ai pas parlé de Brienne Legel. Comment? Brienne Legel? Non. Brienne Legel. Legel. Legel en anglais. Legel. C'est un avocat de droit. C'est une gueule. Oui, Brienne Legel. Il est extraordinaire. Brienne me fait des brioches. Oh! Y a-tu des belles brioches aussi? Oh, il y a des très belles brioches. Je vais vous dire une affaire. Il aime ça sucré. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est un. Il fait la fine gueule, comme je pourrais dire. Hein. OK. Puis toi, tu crèmes les brioches? Moi, je crème la brioche, puis comme on dit, j'aime bien ça quand il me fait sa face de barbotte. ça doit être beau en mots, t'as dit. Oui, j'ai même acheté une lampe, imaginez-vous donc. On va directement au-dessus de son front, puis ça s'allume quand il fait la barbotte. Fait que des fois, dans le noir, la nuit, exemple, que je vois pas en dessous des couvertes, j'allume la lumière. Oh! Je cherche ma montre. Ça doit être fort pratique. Ben, c'est ça. Ben, avoir un homme barbotte dans ton lit va dire une affaire. Quand tu touches l'heure, c'est très facile. Aussi, des fois, t'as perdu ta manette, ton remote control. Ça gigote pas trop, cette barbotte-là? Non, mais regarde, la barbotte, c'est toi qui l'allume, c'est toi qui l'éteins. Faut que t'aies le contrôle. Alors, vous le savez, c'est pas moi la fille dans le couple. Ça paraît quand je parle. Ben, ça paraît que c'est toi l'homme. C'est toi qui run. Hey, fait que les boys, moi, faut que je vous laisse parce que là, je pars pour Cancun. Il y a l'affaire pour la température là-bas. Faut que j'y aille. Là. Ça commence demain. OK. Fait que je m'envoie là-bas voir s'il fait chaud. Parce qu'ils disent que c'est réchauffement climatique. Mais il fait chaud là-bas, il fait chaud. Là, parce que je suis pas là-bas, mais il fait très, très chaud. Je le sens. Fait que imagine là-bas. Ouais, non, là-bas, j'ose même pas y croire. Fait que faut que je vous laisse. Regardez, je vous souhaite pas une fête parce que vous le méritez pas. Ah! Mais ça change pas que je vous aime pas, par exemple. OK. Puis, OK. Ça change pas qu'ils nous aiment pas. Bon. Hey, saluez là, le webmestre, là, Mathieu. Oui. Mais il en a perdu un peu, hein, Mathieu. Je l'écoute plus, de toute façon. Là, je l'écoute plus. Il est plus ce qu'il était. Hein. Il était bon dans le temps. Il en a perdu un petit peu. Là, tout en amour, je sais pas. Là, mais ça se peut. S'il m'écoute, Mathieu, c'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime moins, par exemple. ça reste que je suis humain. Je peux pas. Faudrait qu'il se trouve un homme barbote, je pense. Ouais, mais je l'ai, mon homme barbotte, ça serait peut-être un Mathieu. Non, mais Mathieu. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai des noms. C'est genre un homme barbotte, là. À moins qu'il soit un barbotte non avoué. Hein. Ben, on sait pas, peut-être. Mais tu demanderas si tu vas qu'il fasse le face de la barbotte. Tu vas tout le savoir. Mais merci, Gilles. Hey, je vous salue de haut. Mauvaise fête, puis changez pour le meilleur. Parfait, salut. Parfait. Bye-bye. Go. Ouf. Exceptionnel, ce Gilles Ladouceur. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal tellement c'est drôle. L'homme barbotte, là, je l'ai trouvé très drôle. Oui, l'homme barbotte et ses détails. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Chiffou 89.1. Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir.